votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone de Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant qu'une transaction majeure est survenue avec les Voyageurs de Jonquière. Les Voyageurs de Jonquière qui ont cédé à la formation des Alouettes de Charlebourg dans une transaction majeure. Donc, ils ont obtenu Maxime Dumas, Alexandre Laprise, Jean-Philippe Chagnon et Félix Castillo. Et les Voyageurs, en échange de ces quatre gars, ont obtenu les services de John Leblanc, Jean-Nicolas Lebrun et Nicolas Doré. Donc, ce trio a été échangé aux Alouettes de Charlebourg. Et on a annoncé également un surplus de 25 000 $. Évidemment, les excellentes foules des Voyageurs durant les séries notoires est certainement pour quelque chose. Classement POC, selon le site internet classementpoc.com, on sait qu'on vous donne le classement toutes les semaines des équipes locales au niveau provincial. Donc, au niveau bantam, les Rapides de Beaubassin sont en 44e rang, les Ambassadeurs de Chicoutimi au 78e rang. Les Ambassadeurs de Chicoutimi niveau midget sont au 42e rang, les Castors de Delbeau au 48e rang et le Marcos Pop de Saint-Félicien sont au 58e rang. Et au niveau junior, les Sabres de Roberval sont au 20e rang. Les Épreuves de Normandin sont au 23e rang. Hier, dans la section entrevue de DanRadioSport.com, on a parlé avec le gardien de but, Francis Bouliane, qui fait un retour à Delbeau-Mistassini après avoir joué avec la première mouture du multiconcessionnaire au début des années 2000. Et Francis Bouliane, dans un premier temps, mentionne évidemment qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il est revenu avec l'équipe. C'est sûr que moi, j'ai toujours continué à jouer au hockey dans les ligues, dans les tournois. Okay. C'est sûr que de garder un niveau de compétition, c'est qu'on en perd un peu à toutes les années. Là, donc, j'ai eu l'opportunité, le multiconcessionnaire m'a appelé pour me donner l'opportunité de rejouer compétition là, rendu à mon âge. Là, donc moi, ça n'a pas pris trop de temps que j'ai accepté. OK. Francis Bouliane aime beaucoup, c'est qu'il y a plusieurs joueurs qui ont joué contre lui ou avec lui dans les rangs inférieurs qui sont dans la Ligue du Lac aux Fleurs. Ouais, exactement. C'est plein de joueurs qu'on a joué ensemble quand on était plus jeune, soit qu'on a joué contre justement dans les tournois ou qu'on a entendu parler. Si je parle de Steven Girard, que moi je n'ai tout le temps entendu parler quand il était plus jeune, que c'est un excellent joueur. Puis j'ai tout le temps joué contre dans les tournois, mais j'ai jamais eu la chance de jouer avec. Donc c'est un coéquipier que je connaissais pas nécessairement, que d'avoir la chance de jouer avec un joueur comme ça, ben c'est super le fun. OK. Dis-moi, là, comment ça va fonctionner? Parce que là, j'ai parlé avec Simon Landreville. Parce que moi, on me dit au match, en fait, si Bouliane va alterner avec Simon Landreville, on sait que les deux sont à l'extérieur. Il explique comment va fonctionner le système. Descendre au lac. Donc, c'est sûr que pour lui, il descend toutes les fins de semaine, c'était peut-être un peu demandant. Donc, c'est ça. On va s'alterner dans le fond pour que ça devienne trop lourd pour nous deux. Là. Donc, Simon devrait venir environ une fois sur deux, puis moi environ l'autre fois sur deux. Là. Puis okay. Après ça, on va sûrement regarder ça ensemble pour la saison. C'est un Gaudreau qui devait... Le backup, c'est qui? Ouais, c'est Sébastien Gaudreau. OK. Dans le fond, Sébastien, je te dirais que c'est un coéquipier parfait pour... Non, c'est vraiment... C'est un bon Jack. Il est tout le temps là pour l'équipe. Lui, il vient sur la route aussi, puis... Il va tout le temps avoir le bon mot pour nous encourager. Puis si jamais que ça va bien ou que ça va mal, il va tout le temps être là pour nous autres. Puis moi, j'adore vraiment travailler avec. Là. Lui a joué avec les Castors. Puisqu'il est question de la Ligue du Lac aux Fleuves, ils ont infligé une suspension de 5 rencontres à l'attaquant Christian Lapointe des Éclairs de Charlevoix. Lapointe a commis un geste punitif dans la rencontre du 3 novembre dernier contre le MGR Express de Jonquière. Et Christian Ouellet est de retour dans l'uniforme des Marquis de Jonquière. Ouellet s'alignant en division 3 avec la formation de l'Allemagne. Il devrait être en uniforme vendredi soir au Palais des Sports. Je vous invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, je me suis entretenu avec Francis Bouliane du multiconcessionnaire de Delbeau-Mistassini. Également, vous pouvez écouter la chronique des Sables de Roberval avec Guillaume Gay et d'autres entrevues dans la section entrevue de DanRadioSport.com. Le sport local et régional à DanRadioSport.com, la référence du sport, on s'en occupe.